et personne ne bougeait, quoique Julien enrageât de tout son cœur. Il aurait voulu s'esquiver sans bruit, mais il devinait que s'il se levait, l'insupportable Alfred l'interpellerait, que la dame se mettrait de la partie et qu'une explication s'ensuivrait. Il faudrait donner des raisons pour motiver ce départ précipité, et il n'en trouvait pas de bonnes, car Alfred savait parfaitement que son camarade n'avait rien à faire ce soir-là. Tout en maugréant, à part lui, Julien, accoté comme l'étrangère à la balustrade, regarda au-dessous de lui, et il avisa en bas un monsieur qui, au lieu de suivre des yeux le spectacle, faisait face à la terrasse, et il levait la tête en l'air, comme s'il eût cherché quelqu'un parmi les dîneurs. Ce monsieur était jeune, bien tourné, bien vêtu, bien ganté. Il n'y avait pas lieu de s'étonner qu'il passât en revue les jolies horizontales attablées au-dessus de sa tête. Mais Julien s'aperçut bien vite qu'il observait uniquement la prétendue comtesse, et qu'il devait la connaître, car il fit un signe qui ne pouvait s'adresser qu'à elle, et qui voulait dire, selon toute apparence, « Très bien, j'ai compris, c'est convenu ». Julien avait surpris la fin d'un entretien muet, et cette découverte le mit encore plus en défiance. « Bonsoir, le gymnaste !» s'écria Freinet. « Les voilà partis. On baisse le rideau. Nous allons retomber dans les fortes chanteuses et dans les ténors légers. Madame la comtesse tient-elle beaucoup à les entendre ?»« Mon Dieu, non !» répondit l'étrangère. « Mon compatriote n'arrive pas, et il est inutile que je l'attende, car je commence à croire qu'il a oublié notre rendez-vous. Heureusement, je suis là pour vous servir, chère madame, et je vous promets de vous faire voir du nouveau, si vous voulez bien vous en rapporter à moi. Je ne dis pas non, à condition que votre ami sera de l'expédition. N'y comptez pas, dit vivement Julien. Tu viendras, reprit Freinet, car je vais te mener dans un monde où tu as des chances de rencontrer l'assassin de l'associé de ton père. Et tu as promis à mademoiselle Monistrol de l'aider à retrouver ce gredin. Qu'est-ce que c'est que mademoiselle Monistrol ? Demanda tranquillement la soi-disant comtesse de Lugo. C'est la fille de l'inventeur dont j'en vous parlais tout à l'heure, et dont les journaux vous ont raconté la mort tragique. Moi, je n'ai fait que l'entrevoir, et je ne sais trop si je la reconnaîtrai, mais mon ami Gémozac est destiné à la rencontrer souvent, et il lui est tout dévoué. « Je te prie de te taire, » dit Julien avec colère. « Ne vous défendez pas, monsieur, d'un sentiment qui vous honore, » reprit la noble étrangère. « Cet enfant est seul au monde, à ce qu'il paraît. Il est tout naturel que vous vous attachiez à elle, et si réellement elle songe à venger son père. « Elle ne songe qu'à cela, » s'écria Freinet. Et comme Julien ouvrait la bouche pour lui imposer silence, l'impitoyable bavard ajouta. « C'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit aussi qu'elle a juré d'épouser l'homme qui arrêtera l'assassin. Et c'est une jolie prime à gagner, que la main de mademoiselle Monistrol, puisque l'invention de son papa doit rapporter des millions. Je me serais peut-être mis sur les rangs, mais cette demoiselle doit avoir une dent contre moi. Et d'ailleurs, je puis mieux employer mon temps. » Freinet, pour souligner cette dernière phrase, lança une œillade incendiaire à la hongroise, qui répondit par un sourire encourageant. Julien était outré, et pour mettre un terme à cet insupportable marivaudage, il allait rompre en visière à cette femme en lui enjoignant de déguerpir lorsqu'un maître d'hôtel venu des salles du rez-de-chaussée s'approcha sournoisement de la table et demanda « Dois-je remettre à madame une carte qu'un monsieur m'a chargé de porter à madame la comtesse de Lugo ?»« Donnez, » dit l'étrangère en étendant le bras. La carte passa sous le nez d'Alfred, et dès que la dame y eut jeté les yeux, elle s'écria « Je savais bien que monsieur Tergowitz ne me ferait pas faux bon. Il est au concert, il m'a vu et il me prie de venir le rejoindre. » Puis s'adressant au maître d'hôtel, « Dites à ce monsieur que je descends. » « Quoi ? Vous allez nous quitter ? » soupira Freinet. « Ah, mon grand regret, cher monsieur, mais il le faut. Mon compatriote a ma parole pour ce soir, et quand je promets, je tiens. Présentez-nous à lui tout de suite. Nous finirons la soirée à nous quatre. Ce serait charmant, mais il me semble plus convenable de remettre la présentation à un autre jour, chez moi, quand j'aurai le plaisir de vous y recevoir. Il habite donc aussi le grand hôtel, votre compatriote ? » dit Freinet, avec intention. « Non, monsieur, » répliqua froidement madame de Lugo. « Mais je suis seul, et il m'arrive parfois de m'ennuyer. Monsieur Tergowitz sait cela, et vient à peu près tous les jours me tenir compagnie. C'est pourquoi j'aurais tort de ne pas aller le rejoindre. » Au revoir donc, messieurs, ou adieu, conclut l'étrangère en se levant d'un air si délibéré que Freinet s'effaça pour la laisser passer et ne chercha point à la retenir. Elle traversa la terrasse sans regarder personne, et elle disparut dans le couloir où aboutit l'escalier. Gémozac n'attendait que son départ pour éclater. « Tu as donc juré de te brouiller avec moi » commença-t-il en roulant des yeux furibonds. « Pourquoi ?» demanda froidement Alfred. « Parce que je viens de poser des jalons pour faire mon chemin dans les bonnes grâces d'une jolie femme. Car elle est très jolie, tu ne peux pas le nier. Et morbleu, fais-en ta maîtresse si tu veux. Mais ne lui raconte pas mes affaires et celles des autres. Bon, tu me reproches d'avoir parlé de toi et de mademoiselle Monistrol. Où est le mal ? Elle ne te connaît pas, et elle ne rencontrera probablement jamais cette jeune fille qui t'intéresse si fort. La comtesse vient à Paris pour s'amuser, et pas du tout pour se mêler d'une histoire qui ne la regarde pas. Alors tu crois que c'est une vraie comtesse ? En vérité, tu es trop bête. Pas si bête que tu le penses. Je m'inquiète fort peu de ces quartiers de noblesse, mais je trouve sa personne à mon goût, et j'entrevois une liaison des plus divertissantes. Les étrangères, ça me va, surtout les excentriques. Ça vous change, et ça n'engage à rien. Avec celle-là, je ferai pendant 6 semaines une vie de bâton de chaise, et quand elle retournera en Hongrie, je me dispenserai de l'y accompagner. Prends garde qu'elle ne te mène plus loin que tu ne voudrais aller. Cette créature est une drôlesse de la pire espèce, et son monsieur Tergowitz ne vaut pas mieux qu'elle. Je l'ai vu, moi, pendant que tu roucoulais sautement avec la belle. Il était planté sous la terrasse, et ils échangeaient des signes. Je suis sûr qu'ils s'entendent comme larrons en foire, et ils t'en feront voir de belles, si tu es assez fou pour te lancer dans l'intimité de la dame. Peu importe, après tout. Casse-toi le cou, si tu veux. Mais ne prononce plus jamais mon nom devant ces gens-là. Dis celui de mademoiselle Monistrol, c'est entendu. Il est probable, du reste, que la comtesse n'a retenu ni l'un ni l'autre, et très certain qu'elle ne s'attend pas à te revoir, car tu ne lui as dit tout le temps que des choses désagréables. Je ne lui en ai pas dit assez. Cette femme me déplaît, autant qu'elle te plaît, et ce n'est pas peu dire. J'ai le pressentiment qu'elle me fera du mal. Comment diable s'y prendrait-elle pour te nuire ? Tu es décidé à ne pas aller chez elle, et vraisemblablement, tu ne la trouveras jamais sur ton chemin. Et du reste, pourquoi chercherait-elle à te jouer un mauvais tour ? Tu n'as pas été poli avec elle, mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'elle te déclare la vendetta. Si je te disais que je suis à peu près sûr de l'avoir déjà vue ailleurs et sous un autre costume ? Pas dans le monde, je suppose. Tu n'y vas plus, ni chez une des horizontales que tu fréquentes. Il y en a ce soir une flotte sur la terrasse où nous dînons. Tout ont examiné ma hongroise, et j'ai fort bien vu que pas une ne la connaissait. C'est possible, mais tu ne m'ôteras pas de l'esprit qu'elle est montée ici tout exprès pour entrer en conversation avec nous, et pour nous faire dire des choses qu'elle avait intérêt à savoir. Tu l'as servi à souhait, car tu lui as fourni une foule de renseignements qu'elle ne te demandait pas. Sur mademoiselle Monistrol, voilà ta manie qui te reprend. Tâche du moins de réparer ta sottise, en m'aidant à découvrir à qui nous avons eu affaire. Il te sera facile, quand tu la reverras, d'observer ses allures et son entourage, car je la soupçonne d'être moins seule qu'elle ne le prétend. Dans tous les cas, elle doit avoir une femme de chambre, et moyennant un louis ou deux, la soubrette t'apprendra ce que vaut sa maîtresse. Allons bon, voilà maintenant que tu me pries de me faire ton espion. Ça ne me va guère, mais enfin, quand ce ne serait que pour te guérir de tes prétentions contre cette pauvre comtesse, tiens, je la vois, elle est entrée au concert, et elle cause avec un monsieur, là-bas, dans le coin. Oui, grommela Julien, avec le monsieur qui tout à l'heure lui faisait des signes. Je le reconnais parfaitement. Le gentilhomme hongrois, parbleu, dit Freinet. Il n'est, j'en réponds, ni hongrois ni gentilhomme. Il est, dans tous les cas, fort bien de sa personne. Je conviens cependant qu'il a plutôt l'air d'un amant parisien que d'un seigneur magyar. Et d'un amant complaisant. Il aperçoit sa maîtresse attablée avec deux jeunes gens, et au lieu de monter pour lui faire une scène, ou tout au moins pour lui demander des explications, il se contente d'entamer d'en bas une télégraphie clandestine. Ça prouve qu'en Hongrie, on n'est pas jaloux. Chaque pays a ses mœurs. D'ailleurs, il ne s'en est pas tenu là, puisqu'il a envoyé sa carte à la comtesse. C'est à nous qu'il aurait dû la faire remettre, s'il avait du cœur. Tu juges bien sévèrement ce digne monsieur Tergowitz, car enfin il n'est peut-être que l'ami de madame de Lugo. Et ce qui me le ferait croire, c'est que si elle était sa maîtresse, elle filerait avec lui. Et les voilà qui s'installent côte à côte sur 2 fauteuils de bois. Ils entament un dialogue vif et animé. C'est dommage que nous ne puissions pas entendre ce qu'ils se racontent. Tu serais fixé, et moi aussi. Freinet ne croyait pas dire si juste, car la conversation qui venait de s'engager entre l'étrangère et son cavalier ne lui avait laissé aucun doute sur la nature de leur relation. Ne restons pas là, disait l'homme, il nous voit de là-haut. Je le sais bien, répondit la dame, mais je leur ai annoncé que j'allais te rejoindre au concert. Si nous partions tout de suite, nous aurions l'air de nous sauver. Pour bien jouer mon rôle, il faut au contraire que je reste à causer tranquillement avec toi. Alors, la blague a pris ? Qu'est-ce que tu leur as raconté ? Que je suis la comtesse de Lugo, que je viens à Paris pour m'amuser, et que je n'y connais personne, si ce n'est un de mes compatriotes, un noble hongrois, qui répond au nom de Tergowitz. C'est toi qui es Tergowitz. Et ils ont gobé l'histoire ? Ils ont fait semblant de la gober. C'est tout ce qu'il faut pour le moment. Ils ne t'ont pas reconnu ? Ça non, j'en suis sûr. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que ces deux citoyens-là ? Le plus petit s'appelle Alfred de Freinet. Il est baron et il me fait l'effet de ne penser qu'à s'amuser. Il s'est allumé sur moi et il va me courir après, c'est sûr. Celui-là n'est pas dangereux, mais je me défie de l'autre. Le grand blond, il n'a pas dit grand-chose et il n'a fait que me regarder tout le temps. Sais-tu son nom ? Parbleu, je ne suis monté que pour le savoir et je rapporte des renseignements complets. Julien Gémozac, fils de Monsieur Gémozac. Le Gémozac qui a une usine sur le quai de Gémap, il doit être riche à millions. Oui, et de plus, il était l'associé du père de la petite. Comme ça se trouve, hein ? Le fils qui tombe justement à la foire au pain d'épices, le soir de l'affaire. Le plus drôle, c'est qu'elle est très riche, la fille Monistrol. Son père a inventé je ne sais quoi, et l'invention rapportera beaucoup d'argent. C'est bon à savoir. Attends, je n'ai pas fini. Cette douce enfant a juré de venger son papa. Elle offre sa main à qui découvrira l'homme qui a fait le coup. Et Julien Gémozac a bonne envie de gagner le prix. Nous voilà avertis. Je ne les crains pas. Dis-moi non plus. Ils ne seront pas plus malins que le juge d'instruction. Mais il y a cette brute de Courapier. Il nous reconnaîtrait, lui, s'il nous rencontrait. Et tu peux être sûr qu'il nous cherche. Nous ferions peut-être bien d'aller passer 2 ou 3 mois en Angleterre. Allons donc, nous y mangerions notre argent. Tandis qu'à Paris, nous sommes sûrs de réussir. Tu connais le programme ? Parfaitement, chacun travaillera de son côté et on partagera les bénéfices. Mais pour commencer, ça va coûter cher. Je m'y attends bien. Je compte sur 10 000 francs de frais de premier établissement. Tu leur as dit que tu logeais au Grand Hôtel ? Oui, et je parierai que le Freinet viendra demain m'y faire une visite. Il faut donc que tu y débarques demain avec tes bagages et ta femme de chambre. Les colis t'attendent à la gare de l'Est où je les ai déposés en ton nom. Tu n'auras qu'à les y prendre et ce soir, je te présenterai la femme de chambre. Tu la connais d'ailleurs. Olga, la tireuse de cartes ? Oui, c'est une fine mouche. Et si tu es sûr d'elle, comme de toi. D'ailleurs, je la tiens. Si elle bronchait, j'ai de quoi la faire envoyer à la centrale pour 10 ans. Maintenant, je ne suis pas disposé à entrer dans la peau du seigneur hongrois que tu as inventé. Je te gênerai, et il vaut mieux que je ne figure pas dans la comédie que tu vas jouer. Je m'installerai à part, et pas sous le nom de Targovitz. Comme tu voudras, pourvu que je te voie tous les jours. Non, toutes les nuits. Nous nous rencontrerons dans notre cassine, de la plaine Saint-Denis. À moins d'empêchement de ta part ou de la mienne. Mais partout ailleurs, nous n'aurons pas l'air de nous connaître. Mauvais, les imbéciles qui dînent là-haut t'ont vu avec moi. Je m'arrangerai pour ne jamais les rencontrer. Du reste, je n'entends pas que tu ailles trop loin avec le gommeux que tu viens de lever. Tu le recevras, tu le laisseras faire la cour, et tu t'arrangeras pour qu'il te tienne au courant des opérations de son ami Gémozac, qui va probablement se mettre en campagne pour plaire à la petite. Celle-là, je me charge de la surveiller. Bon, mais pas de bêtises, mon cher. Si tu t'avisais de faire concurrence à ce Gémozac, il t'en cuirait. Je serais capable de te dénoncer. Je n'aime pas le partage, moi. N'aie pas peur. Nous sommes rivés, et quand nous nous retirerons des affaires, après fortune faite, nous irons vivre maritalement à l'étranger, en attendant que je puisse t'épouser. Mais vois donc là-haut. Ils se lèvent et ils sont capables de descendre ici, pour me regarder sous le nez. C'est le moment de filer. Pour aller où ? À la Grande Rouge, parbleu. C'est la dernière fois que nous y coucherons. Mais tu sais bien que j'ai besoin de vigoureux. Il doit être rentré depuis longtemps, et nous allons le trouver couché sur la boîte qu'il est allé me chercher à la baraque. Tu aurais mieux fait de la laisser ta boîte. Vigoureux et malin, mais on peut le suivre. Qui ? La baraque est vide, puisque le patron a levé le pied, et je n'avais pas envie d'abandonner au premier venu ce qu'il y a dans ma cassette. J'ai déjà assez regretté de l'avoir oublié dans la précipitation de notre départ. Quand je la tiendrai, je ne craindrai plus rien. Le digne couple sortit du concert par la porte qui s'ouvre du côté de la place de la Concorde, pendant qu'Alfred et Julien y entraient par le restaurant. Ils s'étaient décidés à descendre pour voir de plus près la comtesse et son chevalier. Ils arrivèrent trop tard, les oiseaux s'étaient envolés. « Bah, dit Freinet, qui prenait toujours les choses gaiement, ce n'est que partie remise. Demain, je te rendrai bon compte de Madame de Lugo et de M. Tergovitz. »